Chapitre 12. C'est 3 jours après, tout juste, c'est-à-dire le 30 août, que des petites filles qui avaient été cueillir des mûres au-dessus du village sont rentrées en disant qu'elles l'avaient vu. Qui ça ? Farinet ! Où ça ? Au bas des pierres. Il y a, entre l'endroit où les rochers prennent fin et celui où les prés commencent, une étroite zone d'éboulis, occupée par des pins et à sa lisière par des ronces. C'est là, disait-elle, qu'il s'était montré tout à coup. Vous êtes sûr que c'était lui ? Oh oui ! Le 30 du mois d'août, qui a 31 jours. Il ne vous a rien dit ? Non ? Et alors ? Oh, on n'a pas osé rester. Voilà ce que les petites filles ont dit en redescendant au village vers les 5 heures, et leur bidon n'était qu'à moitié plein. Elles disaient la vérité. Ils redescendaient des montagnes. Il avait dû couper court à travers la rocaille et s'y laisser tomber droit devant lui jusqu'à un point qu'il s'était fixé d'avance. C'est là qu'il était paru, écartant brusquement les basses branches d'un noisetier. Il s'était laissé tomber assis dans le haut du talus pendant que les petites filles se sauvaient, faisant du bruit avec leurs semelles de bois et leurs bidons entrechoqués. Ça commence ou ça recommence. Farinet fumait encore un peu parce qu'il faisait chaud. Il avait plu jusqu'à midi. Ensuite, le temps s'était découvert. Lui, il fume dans ses gros habits de laine brune, où il y a des places plus foncées, là où ils étaient encore mouillés, et des places presque grises. On voit qu'il a un sac sur le dos. L'aile de son chapeau pend d'un côté, laissant voir une bande de cheveux et le dessus de l'oreille. Ce jour-là, les nuages, cédant peu à peu à leur poids dans l'immobilité de l'air, avaient glissé le long des pentes de la montagne, beaucoup plus bas que les rochers et les forêts. Ce jour-là, une lumière triste était également distribuée partout. Ce jour-là, il y avait un grand silence qui régnait sous le ciel bas. On plante un clou, puis tout se tait. On enfonce un clou quelque part avec le dos de la hache. Il y a quelqu'un qui racle sa vigne. Farinet fume blanc. Il ne bouge pas. Aujourd'hui, encore un jour. Car voilà qu'il est revenu. Il voit qu'il a été ramené. À présent, il voit tout près de lui, entre ses genoux relevés, la barrière du jardin, la petite maison neuve, les fleurs qui sont dans les plates-bandes, à la terre bien arrosée. Les ignats sont jaunes, roses ou bien grenats. Il voit les buissons de dahlias. Il bouge un de ses genoux et les dahlias ne sont plus là. Il bouge l'autre genou et ôte aussitôt d'au-dessous de lui les ignats bien alignés avec leurs diverses couleurs dans la plate-bande. Il fumait encore, il finissait de fumer. De nouveau, on tapait dans le village sur une planche. Il ne bouge toujours pas. Il n'y a rien non plus dans le jardin, ni nulle part autour de lui, sauf un petit train dans la plaine avec sa grosse fumée blanche qui s'allonge toujours plus. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Et brusquement, voilà qu'il s'était dit, après tout. Du moins, c'est ce qu'il a dû se dire. Il ôte alors son sac de dessus son dos, et on voit qu'il y a quelque chose dans son sac. Il pose son fusil à côté de lui, tenant son sac entre ses genoux. Il a dénoué la cordelette qui le ferme. Après tout, ça n'engage à rien. Ce n'est qu'un cadeau, se dit-il. Il voit que le cadeau est toujours là, tout raide, tout refroidi. Il referme son sac. Je devais bien cette politesse à Romayé. Il regarde de nouveau. Il voit qu'il n'y a toujours personne dans le jardin et que la porte de la maison est restée fermée. Il jette son sac sur son épaule gauche, son fusil sur l'épaule droite. C'était dans le moment que les petites filles l'avaient annoncé au village. Il est descendu si vite qu'il a été tout surpris de voir qu'il était arrivé. La maison de Romayé a été à côté de lui, comme si elle eût été bâtie beaucoup plus haut sur la pente. Elle est là, il voit ses contrevents bleus, il voit la barrière de bois non peinte qui ferme le jardin et que le portail est grand ouvert. Pourtant, il s'est arrêté. Puis, il s'avance, puis il s'arrête, puis il s'avance de nouveau et se trouve ainsi amené au bas de l'escalier qui mène au perron. Là, il s'arrête de nouveau. Il ne monte pas les marches, écoutant si peut-être on l'avait entendu, si peut-être on ne venait pas. Puis tout à coup, « Y a-t-il quelqu'un ? Hé ! » Et encore une fois, « Hé ! » Alors, Il y a eu à l'intérieur de la maison le bruit d'une chaise qu'on repousse, la porte en haut de l'escalier s'est ouverte, on ne voyait encore personne d'où il était. Et ce ne fut pas Romayé, parce que voilà qu'on sortait sur le perron. Lui, il a ôté son chapeau. Il a dit « Oh, excusez-moi, mademoiselle !» Elle tenait un ouvrage de couture, elle ne l'a pas reconnu tout d'abord. Puis elle est devenue toute rose au-dessus de son caraco qui avait la couleur du ciel. Oh, c'est vous, monsieur Farinet. Est-ce que votre père est là? Non. Il est en bas de l'escalier, elle est en haut de l'escalier. Non, a-t-elle dit. Il avait un rendez-vous au village, mais il ne tardera peut-être pas à revenir. Vous ne voulez pas l'attendre un moment? Il dit que non. Oh, monsieur Farinet, reprend-elle, est-ce vrai? Parce qu'on est hardi de loin. Et puis elle s'est reprise. Et vous ne voulez pas entrer? Car il a faim peut-être, ou il a soif, mais il a dit que non. Pourquoi? Il ne bouge pas. D'où il est? Il fait signe qu'il ne veut pas. Tout à coup il a dit, alors à une autre fois. Elle a dit, c'est dommage. Oh, monsieur Farinet. Alors il a dit, écoutez. Il s'arrête. Mademoiselle, j'avais là quelque chose. Il dit, pour vous. Elle dit, comment? Pour moi? Oh, il n'est pas bien gros. Il pose son fusil contre le mur, il ôte son sac de dessus son dos pendant qu'elle regarde du haut des marches. Il ouvre le sac, il disait, il pèse dans les 5 ou 6 livres. C'est pas beaucoup, mais ils sont maigres par là-haut. Il tire de son sac un petit lièvre qu'il tient par les pattes de derrière pendant qu'une goutte de sang qui coule le long du cou de la bête vient perler au bout du museau. Oh, monsieur Farinet. Puis elle dit, c'est vous qui l'avez tiré? Il ne répond pas. C'est pour moi. Oh, merci bien. Et il ne bougeait pas, lui non plus, tenant la bête devant lui, le bras plié par les deux pattes, un pauvre petit lièvre de montagne, tout raidi, comme taillé dans un morceau de bois, avec un peu d'étoupe collée dessus. Alors on a vu qu'il était beau, et grand, et fort. Il tenait son lièvre, et puis sauvage, avec sa barbe de 15 jours, ses cheveux en désordre, sa figure qui est devenue rouge par-dessus le brun de son teint, et où les yeux qui sont plus bleus, comme par des trous, regardent, là, regardent. Et elle, tout à coup, elle descend les marches en courant, s'arrête, tend la main, n'ose pas, la retire, n'ose plus même le regarder. C'est pourquoi elle baisse la tête. Oh, a-t-il dit alors, est-ce vrai? Il ne sait plus très bien ce qu'il dit. Il a dit, écoutez. Elle avait pris la bête, il refermait son sac, il ne trouvait plus bien ses mots. Écoutez, je reviendrai. Voulez-vous dire à votre père? Oui, que je reviendrai demain. Oui, demain soir, vers les 9 heures. Il a dit, alors, au revoir, mademoiselle. Il remet son chapeau sur sa tête, il s'en va, il sort du jardin. Il ne peut pas pourtant ne pas se retourner une fois qu'il est arrivé sur le chemin. Il voit qu'elle n'a pas quitté sa place. Elle devait l'avoir suivi des yeux, parce que tout de suite, quand il s'est retourné, son regard à lui et son regard à elle se rencontrent. Et plus loin, encore une fois, il se retourne, elle est toujours là, fidèle à le suivre avec son regard. Alors il s'est dit, ça va bien. Pourquoi est-ce qu'il se dit, ça va bien, aspirant avec force l'air triste et humide, mais qui devient frais et désaltérant, comme quand par une grande soif on avale un verre d'eau. Le temps est neuf, l'année est neuve, le jour est neuf, tout brille autour de lui, là où il faisait terne. Il voit des gens, il va vers eux. On a été plein d'étonnement de voir qu'il ne se cachait plus, et au lieu de faire un détour par les endroits peu fréquentés, voilà qu'il descendait droit vers le village. Eh, la voilà, disait-il, comment ça va? Un jeune homme qui raclait la mauvaise herbe dans sa vigne. Ça va bien, et toi? Moi aussi. Et la vigne? Elle ne va pas trop mal. Ayant déjà passé, tandis que l'autre, qui avait répondu machinalement, se remettait peu à peu de sa surprise, les mains sur les manches de sa bêche, se disant, mais c'est Farinet? Oui, c'est lui, vous le voyez bien. Eh bien, disait-il, père Cranche, c'est toujours en pente chez nous, toujours même un peu trop, ou quoi? S'étant cette fois arrêté, et on voyait le vieux se redresser difficilement, mettant la main gauche sur ses reins qui craquaient. Hein, quoi? Eh, bon Dieu, c'est Farinet, d'où est-ce qu'il sort? Bien sûr que c'est Farinet, et attention comment c'est Cranche. mais Farinet avait déjà passé, s'en allant maintenant du côté d'une femme qui travaillait dans son plantage, et on voyait le fichu noir à fleurs rouges qui était noué autour de sa tête s'agiter joyeusement entre les perches des haricots. Chapitre XIII. Ah, c'est toi. Ah, te voilà. C'est lui qui parle. Elle voit qu'il est gai et il rit. Tu m'apportes à boire et à manger? Ça tombe bien. Tu es une bonne fille. Mais dépêche-toi, on est pressé. Farinet s'était assis au bord de sa paillasse, dans la grotte. Joséphine lui passe le pain. C'était un gros pain de seigle plat. Elle lui a passé ensuite, enveloppé soigneusement dans du papier, les premières poires de la saison. Ça va bien. Voilà plus de 3 semaines qu'on était au pain et à l'eau, plus souvent à l'eau toute seule. Quelle heure est-il? Elle a dit 9 heures. Eh bien, je n'ai rien mangé depuis 10 heures ce matin. Tu vois, ça fait un bout de temps. Étant plein de bonne humeur et d'appétit, taillant dans la miche, piquant avec la pointe de son couteau les tranches de viande sèche, 3 semaines et plus, ça compte, et verse-moi à boire pendant que tu y es. Elle avait rempli le verre. Merci, santé. Il l'a vidé d'un coup. Encore un. À peine avait-il été rempli qu'il vide le verre de nouveau. Les bonnes choses vont par 3. Encore un. Il le vide de même, puis s'étant remis à manger. Alors, comment ça va-t-il? Elle n'a pas répondu dans son étonnement. Elle le regarde. Elle voit seulement qu'il est là. Quand les petites filles avaient annoncé qu'elle l'avait vu, elle avait été heureuse. Est-ce qu'elle est toujours heureuse? Elle s'étonne de sa bonne humeur et de son contentement. Elle est heureuse de le voir content. Elle est inquiète de le voir content. Mais lui, il n'avait même pas attendu sa réponse. Moi, ça va bien. En tout cas, ça va mieux. J'avais un trou dans l'estomac. Un trou de 3 semaines et plus. C'est alors qu'elle avait commencé. Oh, Farinet, pourquoi ne m'as-tu rien dit? Pourquoi es-tu parti sans rien me dire? Il a dit. Oh, il a dit, ça ne se pouvait pas. Pourquoi? Je suis venu, tu n'étais pas là. Je suis revenu, tu n'étais pas là. Et je suis venu encore une fois, et tu n'étais toujours pas là. C'est vrai, il est raisonnable et tranquille, comme elle voit. C'est vrai ce que tu dis là, mais tu comprends, dans ma situation, justement, dans ta situation. Écoute. Elle l'avait interrompu, puis s'interrompt elle-même. Et lui, le couteau dans une main, un morceau de pain dans l'autre, il s'arrête de couper son pain. Parce qu'il a bien vu qu'elle en venait à l'important. Et en effet, la voilà qui a dit « Heureusement que tu es revenu, parce que à présent, il nous faut partir. » Il se mit à rire dans sa surprise, et puis, comme s'il plaisantait, « Eh, quand ça ?» Elle voit qu'il plaisante, et elle, son cœur s'irrite. « C'est sérieux » disait-elle, « tout de suite !» a-t-elle dit, « ce soir ?» Mais lui avait recommencé à manger. « Oui, continuait-elle, tu ne peux plus rester ici. Ça ne va pas pouvoir continuer. Crois-tu que les gendarmes ne finiront pas par venir te chercher ici s'ils ne peuvent pas te voir autrement? Ils savent bien où tu es caché. Seulement, ils ne voudraient pas que cela leur coûte trop cher de t'avoir. Alors ils attendent. Mais ils n'attendront pas toujours, disait-elle. Et puis, il y a l'hiver. L'hiver va venir. Qu'est-ce que tu vas faire dans ta grotte? Est-ce que tu pourras continuer à courir la montagne quand les troupeaux seront descendus? Dis, ils vont descendre, et quand la neige se sera mise dans les hauts, partout où elle peut tenir, comme la mauvaise mousse aux arbres. Alors si tu sors, les gendarmes, si tu te caches la maladie, le froid, le mauvais air, je ne sais pas, écoute. Mais lui, il a dit, est-ce que tu as fini? Il continue à être tranquille. Il continue à plaisanter. Et où est-ce qu'on irait? Hein, Joséphine? Elle a dit, on irait loin. Loin et où ça? Je ne sais pas, on passerait la frontière, parce que les gendarmes ne peuvent pas la passer. Il faudrait changer de vie, je ne sais pas, à Évian, à Genève. Mais loin, loin, loin, recommence-t-elle. S'il te plaît, vois-tu, loin d'ici, et tout de suite, Farinet. Elle a dit, voilà. Elle penche la tête. Je ne sais pas, moi, mais je suis triste. Je ne sais pas, Farinet, mais j'ai peur. Alors, il a dit seulement, « Et l'argent ?» Elle a dit, « Tu en as ?»« Non. »« Oh, Farinet, comment oses-tu dire ?» Et lui, « C'est bien les femmes, ça confond tout. »« Je n'ai point d'argent, dit-il, je n'ai que de l'or. »« De l'or, dit-il, j'en ai tant que tu veux, en poudre et en pièces. » Il se lève, « Tiens !» Il lui tend la caissette qu'il vient de prendre sur la dalle avançante qui lui sert d'établi. Elle est pleine. « Eh bien, sais-tu ce que ça vaut ? Ça ne vaut rien. » Ça ne vaut rien pour le gouvernement, tu le sais bien. Il est trop beau. Il vaut mieux que l'aurore, et c'est pourquoi je suis ici. Tu le sais bien, mais tu n'y penses pas. Tu es comme toutes les femmes. Alors il a ri encore, mais un peu douloureusement. Essaie seulement de t'en servir, tu verras bien ce qui arrivera. Moi, ça ne m'a pas réussi. On ne peut compter que sur ses amis, parce que ils ont confiance. Et as-tu confiance, toi? Eh bien, tu le dis, prends-le, il est à toi, je te le donne. Il lui a rendu la caissette, mais alors elle recule, mettant ses mains derrière son dos. Oh, Farinet! Et, étant restée debout, elle fait encore un pas en arrière, ce qui l'a amené tout contre la paroi. Oh, Farinet, alors c'est vrai? Il dit, qu'est-ce qui est vrai? Elle voit qu'il perd son assurance et que sa voix devient hésitante. Ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on dit? Ah, tu sais bien. Non, je ne sais pas. Ce qu'on dit, que tu vas te rendre et remailler à une fille, Maurice. Dis, est-ce que c'est vrai? Alors, il n'a rien répondu. Et elle met sa main à plat contre sa joue, comme quand on a mal aux dents. Il a voulu dire quelque chose, mais elle secoue la tête lentement de droite à gauche, de gauche à droite, beaucoup de fois. Alors, qu'est-ce que je vais devenir? Maurice, moi, Kay, toute seule. Ah, Kay, Maurice, si tu t'entends avec la justice, si tu t'en vas, moi, qui ne suis plus belle, Kay, Maurice, et plus toute jeune. Et puis ce qu'on dit. Et lui, écoute, voyons. Mais alors le bras lui tombe le long du corps, pendant qu'elle se redresse. Méchant, non, ne m'approche pas, n'approche pas, je te défends. Tu m'as trompé, tu as profité de moi tant que tu as eu besoin de moi. Et puis à présent, non, non. Oh, je sais bien, va. Et sa voix devient basse et monotone, comme à l'école quand on lit dans un livre. C'est comme ça. Ils veulent bien de vous, mais c'est parce qu'ils n'ont personne. On se laisse faire, on ne comprend pas, on croit qu'ils ont de l'amitié pour vous. Oui, je me rappelle bien, c'est pas si vieux que ça. D'où sortais-tu seulement? Demande-t-elle. Ah, tu étais joliment fait, joliment arrangé ce matin-là, à Sion. Tu ne t'en souviens pas? C'est plus commode, ce matin-là. Il ne pouvait toujours rien dire, alors il a haussé les épaules, comme quand on se décide à laisser faire une chose qu'on ne peut pas empêcher. Et elle? Qui est-ce qui était toujours levé la première? Et j'avais le service à faire, le café à balayer. Ça n'est pas comme ces demoiselles. Ah, dis seulement. Oh, dis. Moi, ça ne me gêne pas. Seulement, tu as été bien content que je sois là. Sans quoi qu'aurais-tu fait? Sans un sou. Dis, sans papier. Elle a dit. Je te remercie. Il m'a payé avec une de ses pièces, croyez-vous? Il pensait que je ne verrais rien. Ah, mon pauvre ami, que j'étais bête. Ah, que j'étais bête. Parce que moi, je suis allée dans ma chambre prendre mon argent, et la monnaie que je lui ai rendue était à moi, parce que je voulais garder sa pièce. Joséphine. Non, a-t-elle dit, je parle, laisse-moi parler. Je n'ai pas fini. Ah, on a trop de choses, quand même, sur le cœur, nous autres. Ça fait lourd. Et on a le temps, tu sais. On a tout le temps. J'ai du temps tant que je veux, parce que tu ne sortiras pas d'ici si je ne veux pas. Ah, tu croyais? Monsieur Farinet, dit-elle, et elle le regarde drôlement, parce que vous êtes un monsieur. Eh bien, monsieur Farinet, sans moi. Ah, j'ai été bête. Sans moi, vous seriez toujours aux galères, ou bien? Toujours avec un pantalon jaune à bandes noires, c'est un peu voyant. Et toujours avec un gendarme à côté de vous, le fusil chargé, ou bien? Parce qu'ils vous font balayer les rues, ils ont peur que vous ne vous sauviez. Alors, nous autres, on vous regardait, on pensait les pauvres. Ah, on était bêtes. Sans moi. Elle s'interrompt, elle lui a dit. Est-ce vrai ou non? Il a dit. C'est vrai. Ah, tu vois. Et ensuite tu vas me dire. Qui est-ce qui t'a passé la lime? C'est pas moi? Il a dit. Voyons, Joséphine. Réponds. Alors il a dit. Oui, c'est toi. Bon, a-t-elle dit. Et qui est-ce qui s'est arrangé avec les gardiens pour qu'ils ne me fouillent pas? Quand j'ai apporté la corde. Qui est-ce qui s'est entendu avec Critin, ensuite, et servante, comme toujours, et servante de lui, et hélas servante de toi? Réponds, a-t-elle dit. Et docilement, c'est vrai, c'est toi. Alors, quand tu as été sorti des galères, qui est-ce qui se levait tous les jours de bonne heure, et ne se couchait qu'après minuit, ayant à te nourrir et à te visiter? Est-ce que c'est vrai ce que je dis? À venir moi-même la nuit, et chaque nuit, rampant dans l'ombre, parce qu'il ne fallait pas qu'on me voie. Et à cause de qui? Réponds. Oh, dit-il, et chargé, oh, lourdement chargé, et à cause de qui? Il dit. Écoute, Joséphine. Réponds, dit-elle, réponds, dis, c'est à cause de moi. Il a dit. C'est à cause de moi, c'est vrai. Alors elle a dit. Eh bien, comme ça on va partir. Toi, tu as tout ce qu'il te faut ici. Moi, je vais aller faire ma valise, on partira cette nuit déjà. Alors, il y a eu un petit silence, où on a entendu le chuchotement de l'eau au fond de la gorge, et une goutte a eu encore le temps de tomber de la voûte, s'écrasant sur le sol avec un petit bruit sec, comme quand on frotte une allumette. Alors, il commence à parler, ou il a essayé de commencer, disant « Oh, je sais bien. » Il hésite. « Oh, tu es une bonne fille, je sais bien, et bien dévouée, bonne travailleuse, et tout. Mais, elle a dit, mais quoi? Il a dit, c'est impossible. Alors, elle a dit, oh, et c'est tout. Puis s'est mise à reculer de nouveau un peu, puis elle a dit, oh, Maurice. Puis, son regard est devenu absent. Il s'est retiré au-dedans d'elle, puis voilà qu'étant reparu, il erre autour de lui comme s'il ne savait pas très bien où se poser. « Ça » a-t-elle dit tout à coup. C'était la caissette pleine de pièces que Farinet avait posée à côté de lui sur la paillasse. « Ça » disait-elle un peu comme quand on rêve. « Ça, ce serait à moi, alors ?»« Bien sûr, je te l'ai déjà dit. »« Je peux la prendre ?» Il redevenait gai et heureux. « Bien sûr que tu peux. Tiens !» Il la lui tend, et à peine l'avait-elle prise qu'elle lui a tourné le dos. Il regarde, elle n'est plus là. Il entend seulement son pas dans la partie du souterrain non éclairée où il s'éloigne. Il a appelé « Hé, où vas-tu » Il va prendre la lumière. « Attends, je viens avec la lumière. Attends, tu vas te faire du mal. » Se hâtant derrière elle, dans l'étroit couloir où elle a déjà de l'avance. « Attends, je ne sais pas si l'échelle est bien en place. » Il arrive à l'échelle. L'échelle bougeait encore.